Parole de comptoir sur Fadjet, Lise Timon. Bienvenue dans Parole de comptoir. Ici, on débat autour d'un sujet, d'un thème sociétal, à travers une question philosophique, une question sociologique et une question juridique. Aujourd'hui, on va parler de l'amour. L'amour, ça touche tout le monde, ça concerne tout le monde. Ça rythme la vie de chacun. Donc, l'idée, c'est de discuter autour du sujet de l'amour est-il un fait social ou alors est-il naturel de tomber amoureux ? On accueille Eva, étudiante. Je te laisse te présenter pour la suite. Bonjour, merci Lise de m'avoir invitée. Moi, je suis étudiante à l'Université de Lorraine. J'ai fait une classe préparatoire, j'ai fait Hippocagne et Cagne en spécialité lettres modernes. Donc, j'ai plutôt un regard sur la littérature. Et actuellement, je suis en double licence en L3 de lettres modernes et d'études culturelles. Et je vais me spécialiser dans le documentaire et notamment dans les thèmes du cinéma et de la littérature. Et moi, je vais plutôt questionner en fait le rapport qu'a la culture et comment la culture impacte nos représentations amoureuses. C'est exactement pour ça que je t'ai invitée. Nadia, toi tu es psychologue, je te laisse te présenter. Oui, bonjour Lise, merci de m'avoir invitée également. Je suis Nadia Gégertin-Lot, je suis psychologue donc pas très loin d'ici. En libéral depuis 2007, voilà, ça date un peu. Et ici, voilà, je fais part de mon expérience un petit peu au niveau également, parce que j'ai une formation aussi en sexologie. Donc voilà, on verra en oui. fonction des questions. Et toi, Noura, tu veux devenir sexologue, c'est ça ? C'est en reconversion ? Exactement. Aujourd'hui, je suis en reconversion et j'ai choisi de me former à la faculté de psychologie et psychanalyse avec une spécialisation en sexologie. Donc, mon objectif est de devenir sexothérapeute et d'accompagner les individus et les couples dans une approche sensible, ouverte et bienveillante. Et alors, qu'est-ce qui t'a motivée à devenir sexologue ? Eh bien, j'ai travaillé dans le domaine du recrutement pendant 8 années. C'est un métier qui m'a beaucoup appris sur les dynamiques humaines et les relations en général. Et j'ai eu envie de me sentir plus proche des gens et de pouvoir surtout les aider à régler leurs problématiques intimes. Oui, je comprends. Et toi, Nadia, pourquoi tu as voulu devenir sexologue ? Alors moi, je ne suis pas tout à fait sexologue, c'est-à-dire c'est plus oui, des formations psychologue. En plus, mais... Oui. Bah disons que c'est un parcours juste après la fac. J'ai fait fac d'histoire en fait avant de faire fac de psycho et j'étais tout le temps en fac de psycho, donc je me suis dit qu'il y avait un problème, qu'il fallait que je change. Oui. Et voilà, puis après, bah, moi, mon but, c'était vraiment d'aider les gens, d'essayer de leur trouver des solutions pour un mieux-être. Et je pense que la sexologie, ça fait partie aussi du mieux-être de l'individu dans sa globalité. Oui, c'est quand même une composante de la vie de chacun, l'amour, finalement. Tout à fait. Donc, on va commencer par la question philosophique. La question générale, c'est l'amour est-il naturel ou alors c'est une construction sociale ? Donc, le but est de dire si c'est naturel de tomber amoureux ou alors si on tombe amoureux plutôt parce que c'est un peu la norme sociale de tomber aujourd'hui amoureux, comment ça a été dans l'histoire, comment à travers vos expériences vous envisagez la chose, tout ça. Et donc, plus particulièrement, l'amour est-il un sentiment inné ? Est-ce que c'est, comment dire, biologiquement naturel de tomber amoureux ? Ou selon vous, c'est plutôt façonné par les normes sociales, culturelles, pour construire une famille, pour ensuite permettre le vivre ensemble, etc., etc. Eva, toi, à travers ce que tu as pu étudier, t'en conclus quoi ? Bah moi, à travers la littérature, j'estime qu'il y a des codes amoureux qui se sont développés. Par exemple... dès le XVIIe siècle, avec un amour qui est représenté par le devoir, la retenue, comme on connaît la princesse de Clèves de Madame de Lafayette, où en fait cette dame préfère la vertu à la passion. Mais encore, on a au XIXe siècle un amour qui se développe et qui change avec une révolte plus individuelle contre l'ordre bourgeois, comme avec Manon Lescaut ou Le Rouge et le Noir. Donc, on voit que c'est un amour qui est tragique et qui est incompatible, avec finalement la société réelle. Et au XXe siècle, on a plus un amour qui devient introspectif ou plutôt cynique, pardon, avec Houellebecq. Je ne sais pas si vous le connaissez, si vous avez eu des lectures avec. Est-ce que tu peux un peu plus détailler, s'il te plaît ? Oui, par exemple, introspective, je peux parler de Proust ou de Marguerite Duras ou encore de Sartre, avec un amour qui se concentre vraiment dans les pensées, qui vraiment valorise, on va dire, plus l'individuel. Quoi. L'amour intellectuel un peu enfin... c'est ça, l'amour spirituel ouais. aussi. Et on voit qu'en fait, l'amour, c'est le miroir des structures sociales, que ce soit à travers le patriarcat, ouais. à travers une morale religieuse, ou encore à travers la lutte des classes et les normes hétérosexuelles. Donc pour toi, c'est majoritairement social. C'est ça. Alors ça, c'est à travers la littérature, bien sûr. Mais on peut aussi voir que, par exemple, de nos jours, l'amour, il est très paradoxal, selon moi. On a, si je reste dans les structures de la littérature, on a l'émergence de la dacromance. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est quoi ? Non, tu veux expliquer, Nora ? Non, je ne me sens pas forcément d'expliquer, mais j'en ai déjà entendu parler. Mais Je vais d'abord un peu expliquer et après je vais vous demander ce que vous en pensez. Vas-y. Parce que moi, c'est quelque chose qui m'impacte un peu, qui me dérange. Après, je ne sais pas si vous aussi, mais c'est, on va dire, un sous-genre ultra populaire où, en fait, on a un schéma récurrent d'un homme qui est toxique, violent et possessif. Et on a de l'autre côté une femme qui, malgré elle, tombe sous son emprise. Alors on a l'exemple de La prisonnière du diable, ou encore de films, ou de livres comme After, 365 jours, et qui en fait vont impacter vraiment les relations amoureuses dès le plus jeune âge et dès l'adolescence. Et vous considérez, vous, Nadia et Nora, que c'est dans notre représentation, en tant que femme ou homme, d'avoir ce schéma de DAC... Dark amour, c'est ça ? Dark romance. Pour vous, c'est ce qu'on a dans nos représentations en tant que... Alors, moi, je dirais pas forcément tout à fait ça. Après, c'est ce qu'on voit beaucoup. Mais moi, dans ma vie de tous les jours, dans mon boulot, je vois aussi des hommes qui sont sous emprise de femmes. Et je pense qu'effectivement... Alors, c'est intéressant ce qu'elle dit, Eva, le dark romance. Oui, ça existe. Après, on parle beaucoup de manipulateurs, de pervers narcissiques, on dirait ça en termes dans le jargon psy. Mais c'est quelque chose, effectivement, qui ne va pas toucher en plus des personnalités faibles. Souvent, on se dit que quand on est sous emprise, c'est parce qu'on est plutôt fragile, faible, alors qu'en fait, souvent, ce sont des personnes très lumineuses et que le manipulateur ou la manipulatrice veut éteindre. Quoi. Et on tombe plus amoureuse de... Enfin, on tombe amoureuse de la personne ou on est sous emprise ? Bah, tout dépend de la relation que vous avez avec l'autre. Hein. On peut très bien... parce que c'est vrai que pour moi, l'amour, c'est un mélange des deux. Il y a une part naturelle, très instinctive, liée à notre besoin d'attachement, de lien, de connexion. On a tous en nous cette envie d'aimer et d'être aimé. Mais la manière dont on vit l'amour, ce qu'on en attend et ce qu'on considère comme normal ou romantique, c'est très influencé par la société, par notre culture ou même par notre éducation. Par exemple, l'idée de l'âme sœur ou du grand amour, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup maintenant dans la littérature, dans les films, les contes, les chansons, mais ce n'est pas universel, c'est une construction. Après, il y a d'autres cultures aussi où on va valoriser... d'autres formes d'amour très différentes, par exemple chez les Himba en Namibie où les femmes peuvent avoir plusieurs partenaires sans être jugées, ou les Mozio en Chine. Ouais. Les Mozio, c'est comment là-bas ? Eh bien justement, la culture de l'amour chez eux, ça se vit à travers des visites nocturnes, sans cohabitation et sans mariage. Et lorsqu'il y a un enfant, il est élevé par la lignée maternelle. Ah oui, je crois que j'avais vu ça quelque part. Oui, tout à fait. Donc tout ça montre bien que la manière d'aimer n'est pas universelle, mais culturelle. D'accord. Mais en fait, moi, ce que je conçois à travers la littérature et le cinéma, c'est qu'en fait, on veut nous véhiculer un amour, entre guillemets, universel, qui se base sur, qui sert à nourrir l'imaginaire collectif. Et... Juste pour revenir à ce qu'on disait sur le côté universel ou pas, je pense qu'en fait aussi, on tombe amoureux dès son plus jeune âge. Ah oui ? Alors, différemment, oui, parce qu'on le voit. Moi, je vois des petits-enfants, des fois, qui me disent, voilà, j'ai un amoureux. Mais est-ce que c'est un vrai amour ? Et bien justement, qu'est-ce que la définition de l'amour en fait, Je vous demande. Dire. Moi, je crois qu'il y a ce côté biologique qui est un peu inné, c'est ce qu'on va ressentir, l'envie de passer du temps avec l'autre. Parce que quand on est petit, c'est pas forcément l'amour comme on l'imagine à l'adolescence ou à l'âge adulte. Mais quand on est enfant, on peut déjà aimer. Et voilà, alors souvent, c'est effectivement la frontière est mince entre l'amour et l'amitié. Oui. Et quand on est petit, on a envie plutôt d'être avec des gens qui nous ressemblent, ce qui va être différent à l'adolescence, puisque on commence à s'émanciper et on a justement l'envie plus de la différence, d'aller vers d'autres contrées, on va dire. Et je crois que l'amour n'a pas d'âge, vraiment. Enfin, il y a ce sentiment que... et c'est en cela où je pourrais dire qu'il est un peu universel quand même. J'entends le côté sociétal que vous dites toutes les deux, et je suis tout à fait d'accord avec vous, mais dans le côté, je pense... sentimental. Ressentir, c'est-à-dire ce côté où il y a la dopamine, l'adrénaline qui se met en place et qu'on ne contrôle pas, en fait. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on peut dire que, par exemple, pour revenir sur l'âme sœur, c'est vrai que dans notre imaginaire collectif, il faut forcément une personne. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. On aime une seule personne. Mais en vrai, est-ce qu'on tombe vraiment amoureuse d'une seule personne parce que c'est la personne de notre vie? Ou alors, c'est juste parce que j'avais vu un truc une fois, on va voir cette personne-là, on va la trouver belle parce qu'elle remplit nos codes sociaux, finalement. Hein. On se dit qu'il est capable de... ou elle est capable de subvenir à nos besoins, que physiquement, il est plutôt bien pour... imaginons être papa ou maman, parce qu'apparemment tout est un peu biologique, et après on va développer une hormone qui fait que à chaque fois qu'on va voir cette personne-là, on va se dire, on va libérer cette hormone, et donc notre cerveau va aimer ça, et donc en fait on va tomber amoureux de cette personne, parce qu'on se sent bien physiquement par la libération de cette hormone. Je sais pas si c'est très clair. Mais est-ce que ça c'est pas plutôt de l'idéalisation? Est-ce qu'on peut... par exemple, dire que d'un côté, il y a l'obsession et de l'autre côté, il y a l'amour. Ou est-ce que les deux sont ensemble? Ça, je vous pose cette question. Oui, après, chimiquement aussi, c'est possible, avec justement certaines hormones qui sont compatibles avec d'autres. Il y a des personnes, par exemple, avec qui on va tout de suite se sentir, comme vous avez dit, bien. Et leur odeur aussi, souvent, ça peut être aussi un indicateur. Oui, c'est vrai que des fois, c'est juste une simple odeur. Et puis... j'avais vu aussi que parfois, quand la femme va être en période d'ovulation, elle va être plus attirante et attirée. Parce que c'est, elle va plus se dire, là, je peux féconder, entre guillemets. Là, on parle vraiment biologie. Hein. Okay. Et ensuite, du coup, elle va plus être ouverte à la rencontre, en fait. Et d'un autre côté, c'est vrai que socialement, arrivé à l'âge de 30 ans ou 25-30 ans, on se dit, ah, va falloir peut-être être casée. Donc, en fait, ça peut être un petit mix des deux. Non, c'est sûr. Et je pense que si l'amour, c'est... ça vient aussi d'un déterminisme social. Après, je ne sais pas si vous pensez la même chose, mais il va y avoir des structures, que ce soit les parents, les amis, on va avoir une sorte de pression, même que ce soit avec les livres, les films, ce qu'on voit, ce qu'on lit. Oui, ça complètement. Oui, les normes sociales également, qui vont aussi nous mettre une certaine pression. On est influencé effectivement dans le sens où soit parfois aussi on a envie de reproduire ce qu'on a pu voir, qui a été plutôt agréable, ou soit au contraire, on a envie de faire tout l'inverse aussi, ce qu'on a pu vivre avec nos parents ou notre famille. Et donc, est-ce que dans une société idéale, vous pensez que on pourrait librement tomber amoureux de telle ou telle personne sans prendre en compte les normes sociales, sans prendre en compte les paradigmes sociaux, par exemple, moi je suis née en Occident, est-ce que je peux tomber amoureux de quelqu'un qui vit en Orient, donc n'a pas du tout les mêmes codes sociaux que moi. Est-ce que selon vous, c'est possible de se détacher de tout ça naturellement? Oui, il peut y avoir des histoires d'amour très belles et très fortes qui dépassent ces barrières. Des personnes s'aiment et se comprennent malgré des milieux sociaux très différents. Donc il ne s'agit pas forcément d'une règle absolue, mais c'est quand même une réalité que la classe sociale peut quand même jouer un rôle important. Moi, je sais que si mon compagnon ou ma compagne ne convient pas à mes parents, ça va être compliqué pour moi. Ah oui, c'est sûr. Ça revient aux classes sociales ou... C'est ça. Mais après, je sais que mes parents sont très ouverts. Mais c'est vrai que si, par exemple, j'ai l'influence d'eux qui me dit « ça va pas », ça va faire que trotter dans ma tête et je vais me dire « bah non, en fait ». Et c'est parce que t'as jamais... Est-ce que t'as... Enfin, si c'est pas indiscret, t'as déjà été en opposition avec tes parents ou pas à ce sujet ? Non, jamais. Mais c'est aussi pour ça, je me rappelle qu'une fois, j'avais quitté un copain et il était content. Ah, il était content. Est-ce que ça t'avait influencé dans tes choix? Oui, quand même. Ouais. Ma mère m'influence beaucoup. Oui. Ouais. Et est-ce que vous, à travers... Nadia, est-ce que toi, à travers ton expérience en tant que psychologue, t'as pu remarquer ce genre de choses également? Je remarque surtout que les gens ont besoin d'aller vers des personnes qui ont quand même les mêmes valeurs, que ce soit au niveau... politique, religion, ouais. Alors même si bien sûr, hein, comme disait Nora, il y a des gens qui sont extrêmement différents et qui vont s'attirer, mais je crois qu'à un moment donné dans la relation, une fois que ce qu'on appelle la lune de miel est passée, ouais. Les questions un peu plus consensuelles de la vie quotidienne vont se poser. Et donc c'est là où des fois les problèmes peuvent survenir, parce que quand on n'a pas du tout les mêmes idées politiques, la même religion, la même culture... il peut parfois avoir des... Okay, il va y avoir force. Parce que l'amour dure 3 ans. Est-ce que après, là, c'est plutôt une question d'attachement ou d'idéaux ou de construction d'un plan de vie, selon vous? Noura, toi, tu penses que l'amour, à un moment, ne suffit pas? Tout dépend de la base de la relation, dans quelle dynamique elle s'inscrit. Maintenant, on ne peut pas faire une règle universelle dans ce domaine, quoi. Il y a tellement de façons d'aimer, de vivre sa relation, de couple. Donc, je ne peux pas avoir un avis tranché là-dessus. Ouais. Juste pour revenir juste 2 secondes là-dessus, mais je pense que c'est important de savoir aussi qu'à l'époque, on se mariait et on restait ensemble. C'était presque normal de rester ensemble toute la vie. Aujourd'hui, les gens s'autorisent d'autant plus d'aller vers ce qu'ils ressentent. C'est-à-dire que on veut changer de boulot, on change de travail plus facilement. On veut changer de conjoint ou de conjointe, on change plus facilement. Alors, il y a du bon dans le sens où on va plus s'écouter soi-même. Mais il y a quand même la problématique de... moi, je le vois avec les ados à l'époque. Bon, là, je vais faire la vieille, mais à mon époque, quand on voulait ne plus être avec quelqu'un, on devait l'affronter, on devait aller le voir, on lui parlait. Oui, c'est vrai, avec les réseaux sociaux et tout. Aujourd'hui, ils sont ghostés. Enfin, voilà. Oui, c'est vraiment ce message qu'ils nous disent, et que c'est très très dur, je trouve, même pour l'estime de soi. Oui. On est quelqu'un, on n'est plus quelqu'un du jour au lendemain. Ça, c'est vrai. Et ça, ça peut être assez violent pour... Mais après, on a un peu une nouvelle génération due de l'éphémère, je trouve. Mais j'allais en venir, est-ce que la question de... Parce que bon, moi aussi je fais un peu la vieille sans être trop vieille, mais j'ai un peu connu quand même, quand j'étais jeune, le but c'était d'avoir une relation à vie. Enfin, okay, on rencontre quelqu'un, le but c'est que ça dure. Et au fur et à mesure, vu que la société, le rapport à l'amour dans la société a changé, c'est beaucoup plus éphémère. En effet, comme tu disais Nadia, on peut changer de partenaire comme de boulot. C'est mal vu quand même, je trouve. Enfin, pas forcément. Moi aujourd'hui, je connais pas mal de personnes qui ont la quarantaine, cinquantaine, qui quittent leur conjoint ou conjointe et qui après refont leur vie ou ont des relations éphémères comme quand moi j'avais 20 ans. Après, je pense aussi les femmes, elles sont plus libres. Aussi, ça. Elles s'imposent plus dans la relation et on commence un peu à pas inverser les rôles, mais à avoir une certaine équité, quoi. Oui, là-dessus, on est moins subordonné, forcément. Je sais pas si ce que vous en pensez. Alors moi, j'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui, on est dans une société où on veut... tout de suite et on veut la consommation et l'effet immédiat. C'est-à-dire que mine de rien, une relation qui s'installe, c'est une relation qui est effectivement plus plan-plan, mais qui a aussi beaucoup de belles choses à apporter. Et souvent, dès que ce que je disais tout à l'heure, le côté un peu lune de miel qui part, c'est pour ça qu'on dit que l'amour dure 3 ans, alors que je crois que c'est pas vrai. L'amour peut durer effectivement 6 mois comme toute une vie. Tout dépend comment on entretient les relations. C'est comme dans l'amitié. Je crois que les relations doivent s'entretenir et une relation amoureuse, il faut se laisser de la place. Moi, je dis toujours aux gens, même quand ils ont une famille, d'abord prenez soin de vous individuellement, parce que si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne pourrez pas prendre soin du couple. Prenez soin du couple, donnez de la place à ce couple et puis ensuite, vous pourrez aussi nourrir cette famille. Quoi. Et puis si vraiment ça ne va pas, là, il faut partir. Tout à fait. Tout à fait, oui. Surtout quand il y a un rapport de domination. Oui, c'est ça, en fait. Où, l'amour peut enfermer, comme on peut révéler. Oui, ça, c'est vrai. Alors, on va passer à la question sociologique, même si on l'a déjà un peu abordée. La question est de savoir si l'amour est-il donc déterminé par notre environnement social, économique et culturel. Donc, on a déjà un peu abordé ce sujet. Mais pour rentrer plus en profondeur, c'est plutôt définir comment notre environnement social et économique influence-t-il nos choix amoureux ou notre représentation qu'on en a. Donc, toi, Eva, par exemple, tu disais qu'il fallait forcément que ton compagnon ou ta compagne, je ne sais pas, plaise à tes parents. Mais pourquoi, finalement? Parce que je pense qu'il y a une certaine satisfaction à voir que ça plaît aux autres. Et il y a toujours le regard des autres qui joue beaucoup dans nos représentations qu'on a, notamment de l'amour. Ouais. Que ce soit avec les amis, en fait, c'est toute notre sociabilité, entre guillemets, oui. Qui s'y joue aussi. Oui, mais par exemple, pour toi, il faut qu'ils remplissent les critères de tes normes sociales. Si, par exemple, il ne remplit pas tel critère ou tel critère, pour toi, tu ne vas pas être contente, donc tu ne vas pas lui laisser la chance. Je pense que quand on est amoureux, on est aveugle là-dessus et peut-être qu'on ne voit plus ça. Ça se trouve, mon compagnon a rempli les cases, comme ça se trouve, il n'en remplit pas. Oui, mais est-ce que pour tomber amoureux, finalement, il ne faut pas remplir les cases? En fait, je pense qu'il y a une étape avant ça. Et c'est qu'après qu'on se dit, est-ce qu'il y a ça, ça, ça? Ah, donc pour toi, l'amour vient avant? Enfin, oui. Ah ouais? Ah oui, je sais pas vous, mais moi je trouve que oui. Vous en pensez quoi, vous, Nora et Nadia? Bon, moi je suis un peu d'accord avec Eva quand même par rapport à ça, effectivement. Et puis je crois que on se projette des choses, mais par rapport aussi aux projections de nos parents. En fait, ouais. Je vois l'exemple. Hein, je voyais la dernière fois un enfant qui était avec son parent et qui lui disait, tu vois, donc voilà, plus tard, hein, quand tu auras ton mari ou là, c'était pour le coup, c'était une petite fille, c'était ton mari. Ouais. Alors qu'en fait, on n'a pas du tout évoqué le fait que peut-être elle voudrait pas se marier, peut-être oui. qu'elle voudrait être avec une femme, peut-être que, vous voyez, bon, ça paraît. Loin, je pense qu'en tant que parent, on est souvent à parler comme ça, mais on va projeter inconsciemment et indirectement, imaginaire. Bien sûr. Et donc, les attentes des parents, quand on s'entend bien en plus avec nos parents, souvent, on a envie, effectivement, de ne pas les décevoir, comme disait Eva. Et il y a ce côté de, on projette ça pour moi. C'est comme si papa, maman veut que je fasse médecine oui. parce qu'ils sont médecins. Ça va être peut-être un peu mal vu si je dis qu'en fait, je vais faire dans la plomberie ou autre chose. Forcément. Et donc, naturellement, on va peut-être être plus attiré par quelqu'un qui est de notre classe sociale ou de nos opinions oui. politiques. Oui, c'est vrai. Tout à fait, oui. Et vous, en tant que... Enfin, par exemple, toi, Nora, quand tu vas te projeter en tant que sexologue, imaginons un patient... Enfin, on dit patient. Oui, patient. Un patient vient te voir, te dit je suis amoureux de telle personne, mais il ne gagne pas assez. Et c'est un gros problème pour moi. Qu'est-ce que tu vas lui conseiller? Bien, après, mais je l'aime. Oui, bien sûr. Bien, après, c'est aussi à lui il faut refaire un travail cognitif, en fait, de restructuration cognitive pour qu'il puisse comprendre que ce problème n'est pas un vrai problème. Ouais. Et qu'au final, ce qui est plus important, ce sera les sentiments qu'il ressent pour cette personne. Donc, lui déjà essayer de comprendre pourquoi lui-même il a cette vision, pourquoi ouais. c'est important pour lui que la personne gagne plus, gagne un certain niveau de vie. Mais normalement, je ne suis pas là pour lui dire c'est bien ou pas bien. Le but, ouais. c'est de lui faire comprendre et surtout voir pourquoi lui réagit c'est... comme ça. Donc, en soi, le but, c'est un peu de déconstruire cette image, ce schéma... Tout à fait, qui est peut-être lié à son éducation ouais. ou sa classe sociale, ouais. au lieu qu'il a pu fréquenter, au cercle aussi qu'il fréquente. Donc. Et comment ça fonctionne, cet exercice cognitif ? De restructuration oui. cognitive, eh bien, déjà, faut que la personne, elle soit en conscience de pourquoi ouais. Elle a cette façon de voir les choses. Et puis, il y a un travail, justement, pour déconstruire tout ça, ouais. avec plusieurs séances, des discussions. Et, est-ce que, dans la plupart du temps, ça marche ou pas ? Normalement, oui. Oui. Après, ouais. il faut aussi que la personne en face ait envie, puisqu'il y a des personnes qui vont rester butées. Ouais. Et qui, malheureusement, même si on peut leur prouver par A plus B que leur manière de penser et justement les enferme dans des cases, donc ça peut éventuellement les faire sortir ouais. de tout ça. Quoi. Oui, et puis j'imagine que ça doit être difficile aussi pour une personne d'être... elle a été conditionnée comme ça. Imaginons, parce que je connais un couple pour qui la partenaire, c'est très important d'avoir une rémunération qui lui permet de bien vivre. Et son compagnon, c'est moins le cas. Et ça devient un problème dans leur couple au bout de 2 ans de relation. Par exemple, ils ne peuvent plus avoir le même train de vie. Le compagnon commence à lui mentir sur ses dépenses. Et là, ça va commencer à poser un problème et elle hésite à le quitter, par exemple. Et je trouve ça dommage parce qu'on dit souvent l'amour triomphe toujours, mais en fait, à un moment, la réalité sociale de la personne revient. Après, oui, c'est ça. C'est-à-dire que tout dépend aussi des projections qu'ils avaient au début de leur relation. S'ils ont pour se projeter dans on va faire des voyages tous les deux mois, on va pouvoir s'acheter une maison, etc. et que les finances rendent quand même en condition là-dedans, je pense qu'effectivement ça peut être à un moment donné un questionnement. C'est-à-dire que c'est pas juste... je suis tout à fait d'accord avec Nora quand elle parle de déconstruction, si vraiment c'est quelque chose qui pèse la personne. Mais sinon, c'est aussi se poser la question de voilà, qu'est-ce qui est important dans notre couple et qu'est-ce que tous les deux on peut mettre en place pour aller vraiment vers le même chemin. Quoi. Mais finalement, comme toi tu disais Eva au tout début, il y a, on va dire, le rideau qui d'abord fait qu'on tombe amoureux parce que c'est telle personne qui nous attire physiquement ou même mentalement. Mais à un moment, quand on se rend compte que la réalité sociale fait qu'il y a une limite, je trouve ça triste d'avoir vécu une belle histoire et qu'au final, une limite sociale vienne freiner toute la relation. C'est pour ça que c'est toujours bien de consulter un thérapeute de couple dans cette situation-là. Il y a beaucoup de... Enfin, moi, j'ai étudié des cas où, justement, par rapport à la réalité que vous soulignez par rapport à vos amis, ou même il y a des femmes ou des hommes qui n'osent pas partir de peur de l'instabilité. Aussi, oui. Ou au contraire, des déséquilibres dans le couple lorsqu'il y a un changement de statut ou de rôle social. C'est très... Oui, c'est courant quand même. Oui, tout à fait, oui, ça fait partie des problèmes. Oui, mais justement, j'en viens à la question du rôle des classes sociales, du genre, de la religion et des modèles. Comment cela façonne notre regard de l'amour, par exemple? C'est vrai que, imaginons dans une famille très catholique, si la personne décide de sortir avec quelqu'un qui est d'une autre religion ou qui est même laïque, ça serait difficile d'intégrer la personne. Et à un moment, la pression familiale pourrait empêcher la relation d'éclore jusqu'au bout, non? Enfin, oui, est-ce qu'aujourd'hui c'est encore le cas? Ou est-ce qu'on est assez ouvert d'esprit pour éviter cela, justement? Tout dépend des familles. Il est vrai que la religion, elle propose, comme vous avez dit, un modèle très fort, parfois très rigide. Ça peut à la fois offrir un cadre rassurant, mais aussi créer de la culpabilité ou de la frustration si l'amour qu'on ressent ne correspond pas à ce cadre. Ouais. Alors après, soit on va en rébellion et l'amour triomphe, ou soit on se plie et peut-être qu'on passe à côté de l'amour de sa vie. Moi, je vois des fois des patients aussi qui se cachent de leur famille pour pouvoir vivre leur histoire d'amour, en fait. Hein, parce qu'à partir du moment où leurs parents seront au courant, ça commencera à mettre des bâtons dans les roues. Mais c'est effectivement une question très intéressante. Je pense que voilà, comme disait Eva tout à l'heure, l'amour, c'est là, c'est un peu, il y a un côté un peu chimique, sans qu'on maîtrise quoi que ce soit. Et puis après, il y a quand même l'aspect malgré tout sociétal. Mais je pense que c'est après. Enfin, pour moi, c'est d'abord il y a plusieurs phases. Il y a la première, ça va être un peu comme je disais avant, l'aveuglement. On idéalise, on est heureux, puis ensuite ça. Comment dire, ça, c'est pas que ça diminue, mais je sais pas comment dire, ça... Ça s'étoffe un peu, on va dire. Ça s'essouffle. Ça se transforme. Ça se transforme. Et en fait, c'est la phase, je pense, qu'on peut nommer de doute, où on se dit, on va devoir peut-être faire des choix. Est-ce que ça représente vraiment ce qu'on veut? Est-ce que ça représente ce que veulent les autres? Et ensuite, je pense qu'il y a deux chemins. Il y a soit... on continue ou soit on arrête. Oui, c'est sûr. Mais pour revenir sur le fait de les personnes qui décident de cacher, par exemple, une relation à leurs parents parce que ça ne correspond pas à ce qu'ils avaient prévu pour leur enfant, imaginons. Mm-hmm. Que ce soit la religion ou même le fait d'être d'aimer quelqu'un du même sexe, etc. Dans ce cas-là, le fait de cacher, est-ce que ce n'est pas finalement confirmer un peu le fait que ce n'est pas possible de... Moi, je pense pas que ce soit vraiment ça. C'est plus une question, effectivement, d'assumer. Je pense qu'il y a des gens qui assument vraiment eux-mêmes, mais qui n'ont pas envie de rentrer en conflit parce qu'il y a vraiment dans des familles, c'est prendre le risque d'être complètement rejeté. Ouais. Et c'est dur aussi de se dire qu'on doit faire un choix entre l'amour et un autre amour, finalement, l'amour qu'on a eu depuis tout petit avec notre famille, quoi. Mais est-ce que le compagnon qui est caché, entre guillemets, ou la compagne, Est-ce qu'elle, elle va pas mal le vivre? Elle va se sentir rejetée ou comment Bien faire sûr. Dans ce cas-là? Des fois, ils le vivent très mal. Moi, j'ai même des patients qui ont été jusqu'à préparer leur mariage et qui l'ont dit genre 15 jours avant que le mariage allait être avoir ouais. lieu, quoi. Hein, c'est-à-dire limite prendre les choses en amont pour ne pas avoir affronté en ouais. fait. Hein, ça retardé de plus en plus en fait. Ouais. Ouais, c'est un peu triste hein, quand même. Oui, enfin oui. Après, c'est tellement il y a tellement un façonnement de l'amour. Tout à fait. Mmh, l'éducation qui joue un rôle. C'est ouais, ça joue un rôle clé. Oui. Quoi. Elle façonne nos croyances sur ce qu'on mérite, sur la fidélité. C'est sûr. Sur ce qui est acceptable ou pas. Donc, oui. C'est... Sur ce qui est légitime, pas légitime, ce qu'on peut faire, ne pas faire. Mmh. Et donc, j'en viens à la dernière question dans le cadre de la question sociologique. C'est est-ce que aujourd'hui l'amour peut-il être un facteur d'émancipation sociale ou justement ça renforce encore un peu les inégalités? Ça veut dire, par exemple, est-ce que moi, pas moi personnellement, mais c'est un exemple, je vais gagner moins que mon mari. Est-ce que ça va renforcer les inégalités et les stigmates de genre que dans un couple, la femme gagne forcément moins et que c'est pas forcément moderne? Est-ce que le fait, ou justement l'inverse, je vais gagner plus que mon mari, est-ce que mon mari va être mal vu? Est-ce que ça peut être aujourd'hui aussi un facteur d'émancipation, de rehaussement dans la classe sociale? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? L'amour, ça peut être les deux. Oui, ça je peut suis d'accord. Soit renforcer les inégalités ouais. quand il s'installe dans des rapports de pouvoir, de ouais. domination, de dépendance. Mais il peut aussi être une forme d'émancipation quand il devient un lieu d'authenticité, de ouais. respect, de guérison. J'ai pu lire des cas où des personnes se sont reconstruites à travers ouais. des relations saines, après des traumas, oui, des les élèves ou des schémas familiaux lourds. Donc ouais. L'amour, c'est jamais neutre. Hein. C'est oui, ça. C'est sûr. Puis j'imagine après que, imaginons, on sort d'une relation qui nous a enfermés, forcément, on va peut-être être attiré par des personnes qui vont plus nous élever, que ce soit intellectuellement... économiquement aussi, parce que des fois il y a de la dépendance économique. Tout à fait. Ou tout dépend. Mais... Parce que moi, j'ai. Enfin, juste pour parler de ça, parce que j'ai le cas aussi des fois de certains. C'est surtout les femmes, effectivement, oui. qui repartent quand même dans les mêmes schémas. Ouais. Je pense que tant qu'on n'a pas vu où était le nœud du problème, on a tendance aussi à refaire. Même si on a tout à fait conscience qu'on a souffert, qu'on était malheureux, des femmes qui, par exemple, ont été frappées. C'est pas rare qu'elle retombe dans des schémas comme ça, amoureux, ouais. où il y a de l'emprise, où il y a de nouveau de la violence. Et dans ce cas-là, comment tu expliques qu'elle perpétue le schéma? C'est parce que c'est lié à l'enfance, elles ont vécu des choses, des violences? Ou c'est, comment elles ont été attirées entre... Quand je dis attirées, c'est pas consciemment hein, ou volontairement. Comment elles sont tombées dans ces relations toxiques? En fait, quand on tombe dans l'emprise, on a souvent une période de fragilité. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas quelqu'un de faible, hein, c'est quelqu'un c'est lumineux, période, en mais fait. On a une période, voilà, ça peut être parce qu'on a vécu un petit trauma, ça peut être même un gros trauma, et il y a quelqu'un comme ça qui arrive dans notre champ de vision et qui paraît nous connaître par cœur et nous apporter en fait un peu sur un plateau tout ce qu'on a toujours voulu entendre. Et donc ça va très vite de rentrer dans l'emprise parce que cette personne nous regarde, nous observe et donc va vraiment répondre à nos attentes. Ouais. Et dans ces moments de fragilité, on a besoin d'être réparé. Donc cette personne va venir un peu comme le sauveur. Je ne sais pas oui. si vous connaissez un peu le triangle de Cartman. On a vraiment ce sauveur qui est à la fois notre bourreau oui. et à la fois la victime. Et donc c'est quelque chose d'extrêmement compliqué de sortir oui, de l'emprise. C'est un cercle vicieux. Pas une question de volontaire. Moi, des fois, j'entends des gens depuis le temps qu'on lui dit elle devrait partir, mais c'est tellement difficile. Il faut s'en rendre compte. Et... Voilà. Mais ouais. aussi, du coup, pour rebondir sur ce que vous dites, je trouve que, par exemple, la culture, notamment, là, je vais prendre l'exemple du cinéma, ça aide pas. Bah, j'allais te poser cette question parce que j'ai vu une émission, juste avant de venir pour préparer okay. l'émission, qu'en France, on est souvent, on représente l'image de l'amour comme étant la souffrance. Exactement. Ouais. Bah, du coup, je pense qu'il faut absolument lire le livre de Chloé Thibault, qui se nomme « Désirer la violence », qui, en fait, va, comment dire, déconstruire en fait ce mythe de la femme ou l'homme qui va désirer souffrir la domination masculine ou Ou en fait, ces relations toxiques qu'on glorifie, en fait. Ouais, oui, la passion est synonyme aussi. Des fois de violence, comme avec oui. Bertrand Cantat et Marie Trintignant, qui, voilà, aujourd'hui, oui. On a pu constater, certaines personnes disaient oui, mais ils s'aimaient de manière passionnelle, mais c'était la passion. Non, en fait, la passion, il y a souffrance, de toute façon. Tout à fait. Non. C'est pas du tout. Mais on idéalise beaucoup ça. Malheureusement, oui. Après, est-ce que c'est pas parce qu'on est dans une société aussi patriarcale ou malheureusement... Oui, ça. Si, et pour rebondir sur ce que vous dites, par exemple, au cinéma, on va avoir des tropes, c'est des schémas récurrents qui vont du coup glorifier cette domination, entre guillemets, avec par exemple le shut up kiss dans les James Bond. C'est en gros le fait d'embrasser involontairement et qu'il n'y ait pas de consentement. Enfin, ouais. De faire taire la femme ou l'homme en l'embrassant. Ou encore, okay. Il y a le enemies. Un peu par surprise. Exactement. Okay. Et ça, dans beaucoup de films, il y a ça. Et finalement, on normalise ça. La oui. Belle au bois dormant, par exemple. Exactement. Oui, voilà, exactement. Oui, et après, on se dit, ah, oh, mais il l'a pris pas. Enfin, moi, comment je vois les choses, c'est, ah, oh, mais c'était par surprise, il n'y a pas de mal. Oui. Et finalement, c'est romantique. Oui. Et finalement, voilà. On va désirer cette violence, ouais. Comme le titre. En fait, c'est inconscient, finalement. C'est ça. Et du coup, pour en revenir à Enemies to Lovers, dans les Indiana Jones, par exemple, le protagoniste va se lier d'amour avec la femme ennemie. Ouais. Et en fait, cette relation qui est assez toxique, vu qu'ils sont complètement opposés, ils se battent et ils sont en conflit permanent, et bah, finalement, ça va engendrer de l'amour. Oui, c'est un peu cette excitation. Voilà. Et je trouve, en tout cas, moi, c'est comment je vois les choses, que dans notre société, on recherche l'intensité. C'est ça, l'intensité émotionnelle. Parce que sinon, on se sent vide. Exactement. Ah, ouais. Le besoin de se sentir vivant, effectivement. Oui, c'est ça, mais finalement... Ça. On le recherche avec, effectivement, une recherche d'adrénaline. Hein. Il y a même des gens que je vois qui ont besoin d'être toujours dans le conflit avec leur conjoint ou leur conjointe, parce que dès que c'est trop lisse, ça fait presque peur. On ressent plus la petite flamme. Mais comment déconstruire ça pour être attiré par des modes d'amour sains? Moi, je pense que en fait, il faut aussi déjà éduquer nos enfants dès le plus jeune âge. Honnêtement, je crois que parler du consentement, mais fille ou garçon, parce que souvent, on a l'impression que le garçon, comme s'il y a un côté aussi mécanique, il veut forcément, alors que non. Il y a aussi des agressions sur les hommes, et ça, c'est important de le dire. Et je pense que c'est important de parler du consentement dès le plus jeune âge, de parler de l'amour, de se dire que l'amour, en fait, je crois qu'il n'y a pas de normes. On a le droit d'aimer qui on veut, mais tant que les choses restent dans les règles, qu'il y a du consentement. Avec du respect, surtout. Ouais. La communication aussi. Une préservation aussi des enfants, pas trop tôt sur les réseaux sociaux, où malheureusement... On voit tous les schémas. Exactement, les masculinistes, qui ont des discours assez dangereux pour cette nouvelle génération. Tout à fait. Et puis la pornographie, qui fait aussi beaucoup de mal aux ados, parce qu'avant, là encore, je vais faire ma vieille, mais c'est-à-dire qu'avant, les ados avaient accès à des livres, entre guillemets, qui étaient moins aussi trash. Maintenant, c'est plus facile, en fait. Exactement. C'est beaucoup plus facile. Et on est toujours dans la recherche du plus, en fait, de ce petit truc qui va faire que on va ressentir quelque chose d'extrêmement fort. Et, et on le sait, pour gérer même l'anxiété, il y a des gens qui vont aller jusqu'à... on est dans de l'addiction sexuelle. Oui, se faire du mal. Exactement, parfois ça vient pas dans le partage. C'est expliquer ça, je crois aussi, l'amour c'est du partage. C'est pas juste aller chercher sa dose d'adrénaline. C'est vrai. C'est vraiment, on doit être dans le partage. Et il y a Chloé Thibault, par exemple, je la cite, elle dit qu'aujourd'hui, avec du coup le cinéma, la littérature et tout, il y a une forme de brouillage culturel du consentement. Par exemple, avec l'enquête de l'Ipsos en 2019, elle dit que 17% des Français pensent qu'un non peut vouloir dire oui. Ou encore, ça c'est dangereux. 18% considèrent qu'une femme peut prendre du plaisir à être forcée. Mais encore, 32% estiment que les viols sont souvent des malentendus. Oui. Et aussi, j'avais vu que comme quoi les hommes disaient que souvent, pas tous les hommes, un pourcentage, mais je ne l'ai plus en tête, disait que souvent le viol était vu par la femme comme un fantasme. Oui, mais ça c'est, je pense, beaucoup tout ce qui est pornographique qui... Alors, moi j'ai envie de dire, pour ce que j'ai pu voir dans mon expérience, je pense qu'effectivement, dans voilà, ça, pour certaines femmes, le viol est un fantasme, mais pour autant, elles, oui. En aucun cas, elles voudraient être violées. Oui. C'est-à-dire que ça, c'est hyper important, comprendre que le fantasme, c'est de l'ordre de l'intimité, quelque chose oui. de ce côté... C'est quand même très paradoxal, pardon, de, ouais. parce que pour moi, le viol, il n'y a pas de consentement, donc comment la femme en fait, c'est il ne faut pas voir le viol comme on l'entend au sens propre. Au sens juridique du terme, peut-être. Il ne faut pas oublier que quand la femme est en fantasme de ça, elle est avec son partenaire, qu'elle consente. Oui. Et le c'est vraiment quelque chose de très... de l'ordre du journal intime, c'est-à-dire ce côté juste, en fait, lâcher prise. Le lâcher prise et l'autre qui prendrait un peu le pouvoir sur le corps. C'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut le voir. C'est pas du tout dans le sens être violé. Imposé. Mais du coup, il n'y a pas tout. Un autre terme pour ça, parce que je trouve ça quand même étrange de la désigner par... Ah si, c'est extrêmement violent même de désigner ça en termes comme ça, parce que le viol, oui. ouais, dans la réalité des propos, c'est quelque chose qui n'est pas du tout consenti et oui, qui est atroce. Mais effectivement, il y a des femmes, moi, qui me le décrivent en ces termes-là, qui ont même honte des fois. Ouais. Voilà. Okay. Alors que, bien sûr, en aucun cas, il faut bien le redire, et je pense que ça, c'est très important, ce qui est agression sexuelle ou viol, voilà, c'est vraiment punissible et c'est atroce, et qu'en aucun cas, c'est un crime, comme tu dis. C'est vraiment voilà, quelque chose d'atroce. Et maintenant, pardon, le violeur, il est un peu... comment dire, romantisé et érotisé. Par exemple, quand on regarde le film 365 jours, pardon, avec en fait ce kidnappeur mafieux qui devient ouais. l'objet du fantasme, en fait. Parce que je ne sais oui. pas si vous avez vu le film. Moi, je l'ai vu par pure curiosité. Je ne le conseille pas. Après, c'est de plus en plus dénoncé quand même. C'est ça. C'est la culture du viol. Il y a une scène où, en fait, la femme est attachée au lit. Elle vient de se faire kidnapper. Elle est enlacée les mains, les pieds, et l'homme arrive et... voilà, je vais pas dire la suite, mais bon... Après, pour revenir sur le fantasme du viol dans le cadre d'un couple intime, je connais quelqu'un qui a fait du BDSM. Donc, oui, d'accord, tout à fait. Et souvent, on passe un contrat avant. Oui. Les partenaires passent un contrat. C'est pour ça que je parlais de consentement. Voilà, c'est oui. ça. Mais c'est au préalable. Ça veut dire que c'est un peu comme une relation contractuelle. Ils vont écrire un contrat. Ça, c'est admis. Ça, c'est pas admis. On fait ça. La limite, c'est ça. Quand je lève la main, ça veut dire que là, c'est fini. On va pas okay. plus loin. Donc là, dans ce cadre-là, c'est entre guillemets la loi des parties. Je suis juriste, mais c'est consenti dans le sens où les deux se sont exprimés, ont exprimé leurs limites. Après, on peut aussi se questionner de est-ce que c'est sain de le faire ou pas. Mais ça, il y en a qui vont considérer que oui, parce que ça relève du consentement. D'autres disent que ça veut dire forcément que c'est on s'inflige des choses parce qu'on a des traumatismes. Oui, tout à fait. Après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise sexualité. Du moment où le consentement est là, on n'est pas à même de juger. Sauf si c'est... Si c'est lié à un traumatisme. Enfin, oui, ou même si c'est vraiment forcé et qu'il n'y a pas le consentement. Quoi. C'est comme les sadomasochistes, ou voilà, ça peut exister aussi dans des relations. Oui, mais dans ce cas, c'est pas du viol pour moi. Parce que le viol, on est dans un jeu. On est dans un jeu. Dans un jeu sexuel. Dans un jeu de rapport. Tout à fait. Mais c'est important. Fixé par les parties. Ouais, puis je pense vraiment, comme vous disiez toutes, mais c'est hyper important aussi que le fantasme de l'un doit être le fantasme, dans ce cas, de l'autre. Oui, également. Il faut que ce soit les deux. Et s'il y en a un qui ne le partage pas... Voilà, l'idée, c'est pas de réaliser les fantasmes pour faire plaisir. L'amour, c'est pas ça. On ne doit pas tout faire par amour. Moi, j'ai déjà entendu aussi des jeunes, des ados souvent, qui ont fait des choses qu'elles ne voulaient pas, mais parce que, sinon, il allait la quitter. Ou sinon, c'est ça. Et ça, c'est très, très important de leur dire, que ce soit adulte, ado, mais on doit vraiment faire les choses par envie, et par amour, et pas par obligation, jamais, quoi. Oui, du coup, comment on peut faire si, par exemple, on est avec un cas d'un jeune garçon qui fait du chantage affectif à sa copine? Ou du jeune fille qui fait du chantage affectif aussi. Ouais. Moi, j'invite souvent déjà les ados, quand elles m'en parlent, à ce qu'on ait une discussion aussi avec d'autres adultes, c'est-à-dire avec si elle est proche de sa maman, par exemple. Je prends le cas là d'une jeune que je suivais. Mais c'est hyper important que l'ado ne s'enferme pas dans tout ça, qu'il n'ait pas honte. Parce que souvent, il y a une honte qui s'installe, parce qu'il y a des photos qui ont été faites, qu'il y a la peur derrière. Et plus l'ado va s'enfermer, et plus il va être à la merci aussi de ce genre de personnes. Il faut ouvrir la parole. Oui, et il ne faut pas tout pardonner. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que l'autre, le garçon par exemple, dans le cas là du couple, est un ado, que oh, c'est bon, c'est des histoires de jeunes. Non, c'est pas vrai. Je crois qu'aussi, il y a eu un problème d'éducation à ce moment-là. Et faut qu'on se questionner. On doit revoir les choses. Quoi. Oui. Alors, je vais passer à la question juridique. La question générale, c'est faut-il légaliser toutes les formes d'amour ? Ça veut dire que, est-ce que parce qu'aujourd'hui, le droit reconnaît, par exemple, les concubins, le pax, le mariage, entre deux personnes. Mais est-ce que, selon vous, il faut reconnaître toutes les formes d'amour, toutes les façons d'aimer ? Par exemple, je sais qu'en ce moment, il y a de plus en plus de polyamour, de couples libres. Est-ce que, selon vous, il faut ouvrir les vannes pour qu'il y ait une reconnaissance du droit qui permettrait l'application d'un certain régime juridique pour faire reconnaître justement les différentes formes d'amour ? Est-ce que, selon vous, il le faudrait ? Oui, je pense que oui. Le droit devrait reconnaître... Donc, par exemple, autoriser... parce que là, on autorise le mariage pour seulement deux personnes, on interdit pour la polygamie. Est-ce que quelqu'un qui se revendique polyamoureux aurait le droit de se marier avec plusieurs personnes ? En fait, tant que le droit ne reconnaît pas ces formes d'amour, ça crée une inégalité symbolique. Oui. Et parfois aussi une insécurité en cas d'accident, en cas de parentalité et en cas de séparation aussi. Donc, aujourd'hui, on dirait que seules certaines formes de relations sont protégées. Oui. Et le fait de dire... le fait que le droit aujourd'hui... légalise entre guillemets ce type d'amour, c'est aussi ça permet aussi aux personnes de le vivre pleinement sans sentir aussi jugé. Voilà. Et comme vous avez dit aujourd'hui, il y a des personnes voilà qui sont polyamoureuses, union libre. Il y a tellement de relations. Il y a d'autres personnes aussi qui ne souhaitent en aucun cas institutionnaliser leurs liens. Et oui. Ça aussi. Ça aussi. Voilà. Mais est-ce que ça désorganiserait pas trop la société ? Parce que si on autorise par exemple la polygamie pour tout ce qui est les règles de succession, les règles, et même pour éviter toutes les dominations, imaginons, est-ce que ça ne se ferait pas plus chez les hommes que chez les femmes, ou alors plus chez les femmes que chez les hommes ? Est-ce qu'il n'y a quand même pas un risque qu'on déborde ? Oui, c'est vrai. Vu comme ça, effectivement. Vu comme ça, oui. Oui, je suis d'accord avec Mais en vous. Même temps, je suis d'accord avec toi sur le fait que ça provoque des inégalités symboliques pour les personnes qui souhaitent vivre leur amour, comme c'est en 2014 ou en 2013, on a autorisé le mariage pour tous. Tout à fait. Donc là, les personnes qui aiment quelqu'un du même sexe et qui veulent représenter leur amour par le mariage, forcément se sont plus senties en égalité avec les autres. Oui, mais après, ça reste quand même un schéma... c'est quand même calqué sur le schéma hétérosexuel classique. Normé. Et on est encore loin d'une réelle reconnaissance de la diversité amoureuse. Oui, c'est sûr. Est-ce qu'il ne faudrait pas reconnaître par une autre forme ? Mais encore une fois, c'est de les mettre de côté. Oui, c'est vrai. Alors là, moi, La question, elle est très complexe, je trouve. Moi, je trouve ça très difficile d'y répondre en tant que psy, parce que je crois que c'est quelque chose de très, très personnel, en fait. Légaliser, je ne sais pas, en fait, dans quel sens légaliser tout ça. Et puis aussi la question d'un enfant au milieu d'un couple qui serait polyamoureux. Alors, je pense que ça, c'est un débat qui pourrait durer des heures. Oui, c'est vrai. Mais voilà, moi, je ne vais pas mouiller dans ce questionnement. Après, je pense que chacun a le droit, au même titre que la politique, la religion, tant que c'est quelque chose qu'on fait pour soi, sans imposer, en fait, sans imposer notre manière de vivre. Alors, je pense que voilà, chacun a le droit de faire comme il veut. Quelqu'un qui est polyamoureux, il peut avoir 10 partenaires, ça me pose aucun problème. Oui, pour autant, est-ce qu'il va se marier avec 10 personnes à l'église ? Là, on est en train de déschématiser un peu tout ce qui a été fait depuis des siècles quand même, donc je pense que c'est un peu compliqué de toucher à cette question. Mais est-ce que, parce qu'il y a des personnes qui vont avoir ce besoin de... De reconnaissance ? Oui, voilà. Oui. Comment on fait pour de reconnaissance avec qui, vous voyez ? Parce que je pense que déjà, il faut se sentir reconnu déjà en tant que individu, soi-même. Si on est déjà au clair avec qui on est, est-ce qu'on aura vraiment besoin de reconnaissance de la société si on est heureux comme... Voilà, c'est plus, je crois, un problème de fond que plutôt un problème, pour moi, juridique. Ça relève plus de l'intime, en fait. Oui. Pour moi, est-ce que le droit permettrait pas, justement, à ces personnes-là de plus s'émanciper, s'exprimer dans ce qu'ils souhaitent vraiment, etc. Si le droit le permet. Après, moi, je pense que et donc la ça valorise un peu plus la démesure de l'homme, je trouve. Ouais. Enfin, de, le fait d'en demander toujours plus et d'en vouloir toujours plus, en fait, ça va juste nous créer encore plus d'orgueil. Uh-huh. Ouais. Mais alors, selon toi, est-ce que notre société, entre guillemets, est suffisamment prête à permettre, sans législation à ce titre, la reconnaissance de toutes ces formes d'amour et que c'est, qu'une personne demain souhaite être polyamoureux puisse l'exprimer librement? Est-ce qu'aujourd'hui on peut le faire, par exemple? Je pense que la polyamour, elle existe depuis des siècles, en fait. Ah oui, c'est vrai. C'est comme l'homosexualité, mmh. Ça existe depuis tellement longtemps et en vrai, on est tous au courant, quoi. Et puis, c'est juste qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus assumé. Oui, c'est ça. Je pense. Et puis, je pense que l'amour, elle n'a pas besoin de loi, quoi, au final. Mais oui. Ça. Et puis, je crois qu'en fait aussi, enfin, faut aller plus loin, mais c'est-à-dire que si on légalise, entre guillemets, au niveau juridique, voilà, le polyamour, ça légitimerait aussi les tromperies. Donc, alors après, oui, comment on fait pour dire que vraiment, il y a eu tromperie ou pas? Vous voyez, je crois que c'est, vrai. C'est vraiment une question qui va dans tous les sens. Et, c'est hyper intéressant, mais c'est... Oui. Moi, je pense que voilà, je suis personne pour pouvoir donner mon avis vraiment tranché là-dessus. Mais moi, je trouve qu'en fait, ça incarne plus le contrôle de l'État là-dessus. Oui, enfin, c'est le but, de toute façon. Je me dis, c'est peut-être un peu malsain d'essayer de contrôler et de... Parce que moi, ça me procure un peu un sentiment d'oppressement, en fait. Oui, de conditionnement aussi, c'est pour remplir certaines normes. Et est-ce que, donc, il faut interdire le mariage dans ce cas-là? Parce que, parce que là, on reconnaît la forme... du couple à deux, mais ça veut dire que l'État reconnaît que le couple à deux, finalement. Oui. Ouais. Oui, c'est ça. Alors, oui, mais est-ce que, encore une fois, est-ce qu'on a vraiment besoin de l'État? Moi, je pense que quand on se marie, personnellement, je suis mariée. Oui. Mais je me suis mariée pas pour mes parents, pour rien. Oui, c'était pour vous. Parce que j'avais envie de me marier, parce que ça fait super longtemps qu'on est ensemble et que voilà. Je crois que c'est quelque chose encore là de l'ordre de l'intime. De l'intimité. Moi, j'ai jamais essayé d'aller. Je me suis pas mariée pour les papiers ou pour ou pour payer moins d'impôts ou voilà. Ou pour c'était faire un plaisir, acte d'amour. Je pense qu'après chacun le voit comme il l'entend. Je crois qu'aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes qui veulent plus se marier et c'est vrai. Et les nouveaux, j'ai l'impression les petits jeunes de 10-12 ans me reparlent de mariage. Oui, c'est donc, vrai. Donc je crois que voilà après ça passe avec le temps et il faut forcer personne. Je crois que même ça va plus loin, c'est-à-dire que ceux qui veulent pas d'enfants, qu'on les laisse tranquilles. Aussi. Ceux qui veulent des enfants, ils ont le droit. Et en fait, on est toujours obligé de se justifier dans la société. Encore aujourd'hui, vous pensez qu'on a besoin de se justifier? Ah oui, moi je le vois très souvent. Même des femmes qui me disent, mais j'en ai marre, j'ai 35 ans, on n'arrête pas de me demander l'horloge biologique, il faut se dépêcher. Oui, mais c'est vrai. Ouais, souvent, en fait, c'est des questions qui sont peut-être naïves ou inconscientes vis-à-vis des gens qui la posent, sauf que le fait que voilà c'est récurrent, on a une forme de pression en fait. Tout à fait. Moi, à 40 ans, qui suis célibataire et qui n'ai toujours pas d'enfant, je ressens beaucoup de pression de la part de certaines personnes qui vont se demander pourquoi, quel est le problème. Oui, c'est ça, il y a un problème. Comme s'il y avait un problème. Non, c'est la vie, c'est ainsi, et chaque chose en son temps. Quoi. Oui. Et puis moi, j'ai décidé de mettre l'horloge biologique en pause. Oui. Voilà, ce qui est possible aussi. Donc à partir de là, du moment qu'on est en phase avec soi-même, qu'on c'est aime ça. En pleine conscience, c'est le plus important. Et aussi, et on terminera là-dessus, c'est que être célibataire, ça peut être un choix, être en couple, c'est un choix, être en couple libre, c'est un choix, être polyamoureux, c'est un choix, être en couple exclusif, c'est aussi un choix. Tout à fait. Juste comme, je suis d'accord avec vous pour dire que ça relève de l'intimité, bien qu'aujourd'hui, il y a encore des conditionnements sociaux qu'il faut encore dépasser. Oui, c'est vrai. C'est moins pire qu'avant, mais bon. Oui. Bon, merci en tout cas d'être venue. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Moi, je dirais que le plus important, c'est surtout se demander qu'est-ce que je veux vivre moi et pas juste qu'est-ce qu'on attend de moi. Oui. Voilà. Oui, oser affronter la vie sans avoir peur du regard des autres. Parce que je pense que l'amour, ça fait partie de la vie depuis le plus jeune âge, comme je disais au début. Et je pense que ça peut être un moteur pour les gens. Et des fois, ils s'empêchent d'être amoureux parce que ça ne plaît pas. Et voilà, et c'est dommage. Et toi, Eva? Aimez-vous. Soi-même et l'autre. Bien sûr. Merci. Merci, Élise, pour l'invitation. Merci beaucoup.